Chapitre 5e. Déjà mon oisiveté me pesait, et je méditais de faire sans plus de retard le voyage de Pétropolis, quand on m'annonça que Sa Majesté l'Empereur arrivait le soir même à Rio. Le jour suivant, dès le matin, je me rendis au palais de Saint-Christophe, et vers 11 heures, M. Barbosa me conduisit dans une galerie d'une architecture très simple. Comme on m'avait assuré que j'aurais à subir toutes les cérémonies de l'étiquette la plus minutieuse, je cherchais de tous côtés un introducteur. Mais du fond de la galerie, je vis sortir et s'avancer vers moi l'empereur lui-même, qui d'un air fort gracieux reçut les lettres que je lui présentais. Sa Majesté eut la bonté de causer avec moi assez longtemps, et je fus frappé de l'instruction profonde qu'il montra pendant cette audience. Il me parut par exemple plus au courant de ce qui se passe en Laponie, en Norvège, au Spitzberg, que les gens de ces pays mêmes. Sa Majesté exprima le désir de voir quelques esquisses que j'avais apportées au Brésil et insista pour me faire accepter un logement à son palais de ville. Il donna l'ordre de m'y conduire et de m'y laisser choisir l'appartement qui me conviendrait. En sortant, je m'empressai d'aller à la douane, d'où je tirai mes bagages et mes malles à grand-peine. Au jour convenu, l'empereur vint me visiter. La chaleur m'avait à moitié endormi. Je me réveillai en sursaut, croyant entendre en rêve des pas précipités. C'étaient ceux de Sa Majesté. Sa bienveillance me fit oublier mes petites mésaventures. Les jours suivants, je continuai à visiter la ville. Cependant, je ne pouvais passer plus longtemps ma vie à courir les rues. En attendant divers renseignements que je ne trouvais pas, je me décidai à sortir de Rio pour aller faire quelques études de paysage dans une montagne nommée Tijuca, à quelques lieues de la ville. Pour s'y rendre, on se fait transporter d'abord en omnibus, puis on prend des mules au bas de la montagne. On me conseilla de louer un nègre, qui porterait ma malle de son côté, sans que j'eusse à m'en préoccuper autrement. Les nègres font à Rio l'office de nos commissionnaires. Ils appartiennent à des maîtres qui les louent. Malgré cette assurance, je n'étais pas trop disposé à laisser partir ma malle à l'aventure, et je résolus de la suivre à pied jusqu'à l'endroit où je trouverais les mules. Toutes les personnes à qui je fis part de mon intention se récrièrent à l'envi. Il fallait que je fusse fou. Je n'arriverais pas vivant. Il est bon de dire que le climat de Rio rend les Européens tout aussi paresseux que les gens du Sud. Peu après leur arrivée au Brésil, vaincus par le soleil, ils s'affaiblissent, ne marchent plus ou attendent la nuit pour se hasarder à une petite promenade. Aussi ma détermination de faire un trajet de quelques kilomètres au milieu de la journée paraissait-elle un acte de témérité inqualifiable. Ce qui n'empêcha pas que vers 11 heures, nous partîmes bravement, mon nègre et moi. Ma malle était pesante, et au bout d'une demi-heure, le pauvre diable ressemblait à une statue de bronze, tant sa peau était devenue luisante sous la sueur qui l'inondait de tous côtés. Quant à moi, abrité sous mon parasol, je le suivais non sans fatigue, trouvant à chaque pas que je pouvais bien avoir eu tort, car cette marche forcée, par un soleil auquel je n'étais pas encore accoutumé, commençait à me donner le vertige. Nous fîmes ainsi plusieurs lieues, puis nous montâmes une côte tellement rapide que, tout à fait convaincu, je pris sérieusement le parti de coucher à un hôtel qui se trouve fort à propos au bout de cette première partie de la route. Le lendemain matin, je payai mon nègre 2000 reis, un peu moins de 6 francs, et après avoir dîné moitié à l'anglaise, moitié à la brésilienne, je montai, seul, libre, heureux de pouvoir, pour la première fois, courir jusqu'à la nuit, admirant tout et respirant à l'aise un air frais, presque froid, dont j'étais privé depuis longtemps. Le jour suivant, j'hésitais encore sur ce que je devais peindre et je préparais mes matériaux, quand plusieurs de mes compagnons de voyage arrivèrent montés sur des mules pour passer le dimanche avec moi. Ils étaient tous gais et dispos. Plus prudents que je ne l'avais été, ils avaient pris l'omnibus et n'avaient pas gravi à pied la montagne. J'enfourchai à leur exemple une mule et nous descendîmes tous gaiement pour aller voir la grande cascade. Dès le début de cette excursion, je commençai à voir un avant-goût de ce dont je devais jouir plus tard. De tous côtés, j'apercevais des plantations de café. Devant chaque habitation s'étendait un grand terrain plat, ressemblant à nos aires à battre le blé. Derrière d'immenses rochers tout unis et de couleur violette, j'entendais le bruit du torrent caché par la végétation luxuriante à travers laquelle nous cheminions. Une heure après notre départ, nous nous arrêtâmes dans une baraque où l'on trouve toutes choses, excepté ce dont on a besoin. Laissant là nos montures, nous nous engageâmes dans des sentiers tout envahis par les herbes et serpentant parmi les bananiers et les caféiers. Bientôt, nous étions en face de la cascade. Un énorme rocher sans végétation, supporté seulement par une pierre qui laisse voir le vide au-dessous, surplombe à la gauche de la cascade comme pour lui servir de repoussoir. L'eau, après avoir glissé de saillie en saillie, semble se reposer un instant sur une partie plate où se forment de petits bassins dans lesquels on peut se baigner sans crainte. Puis elle rencontre une pente unique et glisse d'une très grande hauteur en passant dans le voisinage de plusieurs habitations pour porter ses eaux à la mer. Tout en cheminant et regardant, j'avisai un délicieux petit coin tapissé de plantes bien fraîches, arrosé d'une eau pure et couvert d'ombre. C'était un charmant sujet d'étude. J'en pris note. Le soir, mes compagnons me quittèrent et je retournai à mon hôtel de la montagne, ravi à la pensée qu'en attendant les forêts vierges, j'allais avoir de quoi m'occuper 15 jours très agréablement, car ce qui m'entourait avait tout au moins le mérite de la nouveauté. Le soir même, je me fis donner des vivres pour mon déjeuner, et à 6 heures du matin, j'endossai le havresac. La course était longue. J'arrivai harassé. Je pris un bain qui me fit beaucoup de bien. Pendant toute la journée, je fis de la peinture, bien abrité par de grands arbres et au bruit de la cascade. Je vivais enfin. J'étais redevenu peintre. J'avais sous les yeux une nature splendide. Pour la première fois depuis mon départ, j'étais pleinement heureux. Pour la première fois aussi, je fis connaissance avec les fourmis, qui mangèrent une partie de mon déjeuner pendant que je travaillais. Malgré ce petit inconvénient, quelle bonne journée! Et comme je me promettais bien de retourner le lendemain. Mais l'homme propose, comme on dit. Ma séance terminée, je repris mon sac et mon parapluie. La montée me parut bien longue. De temps en temps, des esclaves que je rencontrais n'avaient pas assez de leurs gros yeux pour me regarder. C'était si énorme ce qu'ils voyaient. Un homme libre, un docteur peut-être, car au Brésil, chaque profession a son docteur, un blanc qui pliait sous un fardeau. Ce fut bien autre chose quand j'arrivai à la porte de l'hôtel. Une foule bizarre entourait un cheval, monté par un courrier doré sur tranche, et ce courrier était là pour moi. Qu'on juge du contraste. Un courrier du palais impérial, d'une part, un portefeuille de l'autre. On parlera longtemps dans la montagne de cette aventure inexplicable. Enfin, comme après tout, la missive était bien adressée à moi, Billard, chevalier de la Légion d'honneur, et que ce même nom figurait sur le livre des voyageurs, il fallait bien reconnaître que j'avais le droit de décacheter ma lettre. On m'annonçait que Sa Majesté l'Impératrice désirait que je fisse son portrait en pied et en grand costume, ainsi que ceux de leurs Altesses impériales, les princesses Isabelle et Léopoldine. Adieu donc à la cascade et à cette bonne vie d'études que j'avais tant désirée et que j'allais quitter, hélas, pour trop longtemps.